Bonjour à tous, je m'appelle Gérald, j'ai 20 ans, d'âge mental, ça fait 5 ans que je fais du rap, c'est bien, si tu kiffes pas, je m'en tâche, je me rappelle de mes débuts. Sortie d'hors série, première maquette, c'était pas top, et ces connards, ça lève serré, on m'avait dit de lâcher l'affaire. Refaire mes valises, m'en sont gardés dans une glacière. Aujourd'hui, je les fais pâlir, je me suis galère dans des soirées. À rapper dans des bars de rire pour les comiques. Allez leur dire, je suis dans les bars, j'étais content d'avoir un place. Mais personne me soutenait, les commentaires sur internet disaient que mes sons étaient tous les. À l'époque, j'avais 15 ans, j'avais des thèmes fragiles. Au lieu de me pousser, on me cassait comme de l'argile. J'ai combattu tout seul, tout comme un gladiator. Maintenant qu'on m'écoute, on dit ce gars-là est l'abattoir. À bout de ma vie, parti au ciel, j'ai une promesse à lui tenir. Sortir un pur album et d'un mes yeux, veuillez vous abstenir. Va leur dire que j'ai réussi, phrase enfermée mais libre. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoyais m'ont bien dégoûté. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, pas enfermé mais libre, et plein de récits. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoyais m'ont bien dégoûté. On ne m'a pas tendu la main, je suis tombé dans un piège. J'avais perdu confiance sur moi comme un clochard qui perd sa pierre. Je connais des gens autour de moi, tirés tous des Playmobil. À les entendre parler, je fais du son pour plaire aux filles. Tous ces ragots me rendent furieux. Je m'en bats, je fais mon son, la réussite crée des rageux. C'est bien écrit dans mes leçons, à quoi bon sert de pleurer. Les deux pieds dans les flaques, les gens te souhaitent le malheur. Et de périr dans les flammes, derrière l'amour se cache la haine. Des amis peuvent taire, dans leurs paroles ils donnent de l'aime. Et dans le regard ils te trahissent ce que je ressens parfois. Je me dis c'est impossible, si l'amitié a disparu, rendez-moi fou et impulsif. Les gens aiment tirer sur des cœurs, la fissure et le décor. Chanter à la télévision et la plupart du rêve décolle. J'aurais voulu être un artiste depuis l'époque de Starmania. Y'a des échos qui me disaient laissez le tir, c'est un marqueur. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, phrase enfermée mais libre, et plein de récits. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoyais m'ont bien dégoûté. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, phrase enfermée mais libre, et plein de récits. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoyais m'ont bien dégoûté. Ma mère a cru en moi pour le bonheur de son fils. Mon père était au ciel quand j'ai sorti mon dernier disque. Le rap est la seule chose que la chance m'est donnée. Pour les études et tout niquer, maman, papa, veuillez me pardonner. J'ai le droit, psychologue pour des problèmes. Allez leur dire à ces bâtards que le malade est devenu poète. Les profs principales me voyaient en prison. Mais prisonnier déjà d'avance entre le ciment et le béton. Je suis tombé love de la rive, peut-être fou, je ne sais pas. Je suis marié au stylo B jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis séparé de la promesse, mis mon cœur dans la brouette. Je rappe pour les enfants du monde et pour les frères écroués. Écroulés comme de la neige, transformés en avalanche. J'ai pris le coup de la vraie vie et de la poisse en l'avalant. Ils ont créé une pétition pour signer l'arrêt des mots. Pour leur victoire, faudrait leur dire les gars que égal j'ai mort. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, pas enfermé mais libre et plein de réussite. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoie m'ont bien dégoûté. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, pas enfermé mais libre et plein de réussite. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoie m'ont bien dégoûté. Seigneur, va leur dire que j'ai réussi, pas enfermé mes livres et plein de réussite. Dis-leur que j'ai fermé les yeux sans les écouter, et que certains que je côtoie m'ont bien écouté.